de tu ne de la vie, portée de bois, traversée des mers, je saurais faire des fines machines, la gueule du roi, les fous de ta vie. Ça me fera pas, c'est pas le goût radici, rêve de clé, sans j'ai pris, je pars tu, je pars colon. J'ai pris une nuit.